qui a marché sur la lune. Okimoto Jambo Kila, Ofesi Seko de Gansi, Gabi Cheko Costa Kobose, Ngona Lusane, Makangila Johnsone, Lorise la Congolesa, Adela Kiala Lambokolo, Manzala Soko Totobie. Belle jolie.

Thank you. lingo e umeni na mitema mpe ekoli Eko sala pasi lo ditono banatye Eko sala pasi mpona bosa na kombo na yo Seli rande fali moso tope sala kipala tambato Kolo baki boli mpona biswe sala dokala Na iya e bale monene sana sukade Seli oye bisa kinga na lingo iseke eterne Olingo na biswe zala loko la jumbi Mula na mula bileko biso seko Amen Naebaki kasi pozinga ya mwaso ye tula kinga Na mekaki yanga inzoto sofie kasi kesimbite ye ye ye Soli nanga mikole neki, j'ai pas perdu l'espoir Mingi mi, mingi mi, mingi mi, mingi mi, viva boy! Thank you.

moski ogi passa la bison tabaco bomba Afrika. Que vos vérités recèlent. Si la jeunesse devient rebelle, quand la police l'interpelle, c'est qu'elle suit la seule vraie voix qui l'appelle. Plus ils grandissent et plus ils se rendent compte qu'on leur a menti. Mais tant de rancœur et tant de douleurs sont déjà trop ressenties. Natif du côté des peurs, de l'autre côté y'a que les nantis. Après tu te demandes pourquoi ils choisissent de devenir des bandits. Compromission, on délaisse par la corruption. On délaisse leur éducation. On délaisse et les laisse tous grandir dans la confusion. Condition, on les teste par provocation. On les teste par les frustrations. On les teste, ils détestent qu'on leur impose d'office une vision. Si la jeunesse devient rebelle, qu'elle rejette vos modèles et les mensonges que vous vérifiez. Si la jeunesse devient rebelle, quand la police l'interpelle, c'est qu'elle suit la seule vraie voix qui l'appelle. Si la jeunesse devient rebelle, qu'elle rejette vos modèles et les mensonges que vos vérités recèlent. Si la jeunesse devient rebelle, quand la police l'interpelle, c'est qu'elle suit la seule vraie voix qui l'appelle. Que l'avenir se prépare, quand la force vive s'est sentie plantée. Quand la jeunesse devient l'ennemi de la société qui l'a enfantée. Mais quelle remise en question et quelles solutions ont été tentées. Au cœur des nuits des villes, la sécurité revient les hanter. Mais confrontation, il les blesse par la suspicion. Il les blesse par la délation. Il les blesse pour qu'ils baissent les bras sans tenter d'action. Génération, manifeste la compréhension. Manifeste ton implication. C'est manifeste qu'on affaisse en fait leur pouvoir de décision. Si la jeunesse devient rebelle, qu'elle rejette vos modèles et les mensonges que vos vérités recèlent. Si la jeunesse devient rebelle, quand la police l'interpelle, c'est qu'elle suit la seule vraie voix qui l'appelle. Si la jeunesse devient rebelle, qu'elle rejette vos modèles et les mensonges que vos vérités recèlent. Si la jeunesse devient rebelle, quand la police l'interpelle, c'est qu'elle suit la seule vraie voix qui l'appelle. Mais que les gardiens les laissent enfin vivre en paix. S'ils se démarquent, c'est pour faire évoluer les mentalités. Pour vouloir vivre intensément, on doit pas forcément les condamner. Chacun son temps pour marquer son époque et leur tour est déjà passé. Loin des voies toutes tracées, rejoindre sa propre ligne d'horizon. Si quelqu'un se sent menacé, c'est qu'il redoute la force de leur conviction. Si les coupables utilisent la justice pour remplir toute leur prison, la jeunesse pour prendre sa place est fort prêt pour la rébellion. Si la jeunesse devient rebelle, qu'elle rejette vos modèles et les mensonges que vos vérités recèlent. Si la jeunesse devient rebelle, quand la police l'interpelle, c'est qu'elle suit la seule vraie voix qui l'appelle. Si la jeunesse devient rebelle, qu'elle rejette vos modèles et les mensonges que vos vérités recèlent. Si la jeunesse devient rebelle, quand la police l'interpelle, c'est qu'elle suit la seule vraie voix qui l'appelle. Si la jeunesse devient rebelle, qu'elle rejette vos modèles et les mensonges que vos vérités recèlent. Si la jeunesse devient rebelle, quand la police l'interpelle, c'est qu'elle suit la seule vraie voix qui l'appelle. Si la jeunesse devient rebelle, qu'elle rejette vos modèles et les mensonges que vos vérités recèlent. Si la jeunesse devient rebelle, quand la police l'interpelle, c'est qu'elle suit la seule vraie voix qui l'appelle. Oh, jamais se rallonger. Ouais, Caro qui vous, Goldor fait devenir fou. Eh ouais, Caro qui vous, Goldor fait devenir, devenir fou. Caro qui vous, Goldor fait devenir fou. Eh ouais, Caro qui vous, Goldor fait devenir. Je le dis, je le pense et le vis. Le souffle de ma vie est bien ici. Je le dis, je le pense et le vis. Je le dis, je le pense et le vis, l'usufruit de leur vie. Et bien ici, je le dis, je le pense et le vis. Come on. chacun de nous résonner tour à tour, poli par tant de rythmes, comme un hymne sans prix que la surdité réduit un peu plus tous les jours à un peu moins de vie.